Chapitre 3e. Monsieur de Bièvre se trompait. Antoinette, le lendemain, ne lui demanda rien du tout. Elle fut gaie, pleine d'entrain, raconta la soirée à sa belle-mère, imita les attitudes lassées du petit Noirval. L'ingénuité de convention de Mademoiselle de Presles et leurs mines impassibles, tandis qu'elles écoutaient une partie du répertoire d'Yvette. Elle parla aussi le plus naturellement du monde de Madame de Breuil, disant qu'elle la trouvait très jolie, et la seule femme vraiment élégante qu'elle eût encore rencontrée depuis son arrivée à Étiole. « Ah !» fit brusquement la douairière, qui, malgré elle, regarda son fils. « Germaine est à la Rosière. » Madame d'Étiole répondit « Oui, depuis 8 jours. Elle m'a chargé de vous dire que si elle n'est pas encore venue vous voir, c'est que Madame de Blainville a été malade et que... » Guy l'interrompit. « À propos de venir vous voir, vous allez recevoir aujourd'hui la visite des La Soleil, maman. » « Je vais donc enfin voir Madame de La Soleil, » dit Antoinette. « J'ai tellement entendu parler d'elle depuis 3 mois. »« Un amour de petite femme, » déclara le comte. « Jolie, gentille, drôle, pleine d'esprit. » Monsieur de Bièvre protesta. « Quant à ça, par exemple, non. Tout ce qu'on voudra, mais pas pleine d'esprit. »« Eh bien, toi non la jugera. »« Oui, Madame d'Étiole la jugera, et vite. » Dès l'arrivée de la petite marquise, Antoinette, assise sur la terrasse à côté de sa belle-mère, pensa que M. de Bièvre pouvait bien avoir raison. Quand la voiture tourna devant le perron, M. de La Soleil descendit et tendit la main à sa femme. À ce moment, les chevaux piétinèrent un instant sur place, avançant et reculant d'un mouvement à peine perceptible. La jeune femme, qui allait poser son pied sur le marchepied, leur tira en jetant un cri d'effroi. Puis, sans paraître remarquer que Guy descendait pour la recevoir, elle continua à poser et à retirer son très joli pied, en poussant de petits gloussements effarouchés et en appelant à l'aide. Mais si faux les petits gloussements, si visiblement voulus l'effarouchement, si peu sincères les appels, que Madame d'Étiole vit tout de suite la petite comédie jouée pour attirer l'attention et l'appui de son mari, et qu'elle se dit « coquette, niaise et maladroite, mais vraiment tout à fait jolie ». « Eh bien ?» demanda la voix si gouailleuse de Jacques. « Qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà ce que j'appelle une entrée soignée, à la bonne heure. » La douairière haussa les épaules en regardant Madame de La Soleil, qui se décidait enfin à descendre, soutenue, portée presque par son mari et par Guy, sur lequel elle s'appuyait visiblement beaucoup plus que sur le marquis. Madame d'Étiole se leva et s'avança vers la jeune femme. Alors elle, très aimablement, d'une gentille petite voix un peu haute et grêle, débita une phrase gracieuse. En attachant sur Antoinette, avec une persistance presque inconvenante, ses grands yeux bleus habituellement voilés, mais qu'une intense curiosité rendait en ce moment en perçant. Sous ce regard sec et coupant qui l'enveloppait toute et la déshabillait avec une froide malveillance, la comtesse rougit comme une petite fille et répondit à peine aux compliments trop bien tournés de Madame de La Soleil. Après avoir salué la douairière, la petite marquise se tourna vers M. de Bièvre. « Comment ? « Vous avez daigné revenir dans notre humble Lorraine ?»« J'ai daigné. »« Et quand repartez-vous » Jacques ne répondit pas. Elle reprit. « Ah, toujours mystérieux à ce que je vois. » Tandis que la conversation continuait, Antoinette, à son tour, examinait les La Soleil. La femme, petite, mignonne, gracieuse dans sa petite taille et très adroitement habillée, jolie comme un amour avec ses grands yeux d'une langueur étudiée et son petit nez très fin. La bouche était d'un dessin charmant, mais les dents d'un blanc douteux attristaient le sourire et le rendaient gris et indécis. Le mari, grand, très beau, élégant, correct, d'une correction plutôt apprise que native, regardait aussi Antoinette avec une discrète curiosité. Et cette curiosité qu'elle ne s'expliquait pas l'énervait un peu. Très modeste, ne se doutant pas que sa réputation de femme élégante offusquât les châtelaines du département, ne se doutant même pas de l'importance de cette réputation, elle cherchait vainement ce qui, dans sa personne, pouvait exciter la curiosité féroce de la jeune femme et l'attention marquée de son mari. Tout à coup, Madame de La Soleil, que ça ennuyait fort de causer avec la douairière, demanda, s'adressant à Guy, « Il paraît que vous avez fait de grands travaux dans le parc. »« Oui, j'ai fait niveler une bête de monticule qui d'un côté empêchait de voir la rivière. »« Hein ? Voulez-vous nous montrer ça ?» « Très volontiers. » Antoinette se leva pour aller prendre un chapeau dans le vestibule, et comme la douairière se levait aussi, La petite marquise, inquiète, demanda « Est-ce que vous ne craignez pas de vous fatiguer en nous accompagnant par cette chaleur ?»« Oh, je ne vous accompagne pas, » répondit la vieille femme en riant. « Vous pouvez être tranquille. » Elle savait que la petite de la Soleil n'aimait pas à la sentir là. Elle gênait les flirts. Elle se rendait bien compte que sa présence rendait son fils infiniment moins éloquent. Et souvent, elle s'était fait un plaisir d'empêcher ou d'interrompre les causeries galantes que sa jeune voisine affectionnait si fort. Soit qu'elle fût moins convaincue que M. de Bièvre que la manière dont la petite marquise trompait Gaston fût purement morale, soit qu'elle ne voulût pas que même, moralement, son fils contribuât à tromper Gaston, toujours est-il qu'elle aimait à déjouer les projets et à couper les effets de la jeune femme. Mais aujourd'hui, Guy était marié. Elle pouvait se reposer. Antoinette était là pour la remplacer. Non pas qu'elle eût l'idée de surveiller son mari, car elle n'était pas jalouse, pas assez même. Mais sa seule présence empêcherait les choses d'aller trop loin. Et ce fut d'un air narquois qu'en quittant la terrasse, la douairière cria « Bonne promenade !» Madame de la Soleil prit aussitôt le bras de Guy. Antoinette suivit entre le marquis et M. de Bièvre. Et tout en marchant dans l'allée, tout en ayant l'air d'écouter ce que lui disaient ses compagnons, elle ne voyait que son mari penché vers la jeune femme dont la petite tête frisée lui arrivait très au-dessous de l'épaule. Elle devinait les banalités caressantes qu'il lui débitait à jets continus. Elle les connaissait si bien, ces mêmes phrases galantes et creuses. Elle avait tant servi pour d'autres, et aussi pour elle. Et sans qu'un seul mot arrivât jusqu'à elle, elle entendait tout, et ce lui était une souffrance, comme une sorte de douleur sourde, de déchirement lent et irréparable. Au bout de 200 mètres, Madame de la Soleil s'arrêta. « Est-ce que nous allons encore bien loin ? Je n'en peux plus. » Le comte répondit. « Nous sommes à moitié chemin, à peu près. Il m'est impossible de faire une aussi longue route sans me reposer. Eh bien, il y a un banc là-bas. Où ça, là-bas ? » Il étendit la main, indiquant un rond-point où l'on apercevait un banc. « Ah, c'est trop loin. Je vais m'asseoir ici, sur l'herbe. » Et rapidement, elle s'assit au bord de l'allée. Elle s'assit sans grâce, sans souplesse, comme s'assoit une femme serrée, mais assez facilement cependant, et tous s'assirent près d'elle. Alors elle demanda « Est-ce que Madame d'Étiolle est bonne marcheuse ?»« Antoinette ?» s'écria le comte. « Je crois bien qu'elle est bonne marcheuse. D'abord, pour tous les exercices, elle est absolument comme un garçon. « Hein ?» fit la petite de la Soleil d'un ton pincé. « C'est très commode, ça. Moi, au contraire, j'ai toujours besoin d'aide, de soutien. » Elle savait que la vanité des hommes leur fait préférer à tout le rôle de protecteur, et comme elle savait aussi que cette même vanité leur fait tout accepter et tout croire, elle ajouta, en regardant sournoisement M. d'Étiolle au travers de ses grands cils frisés, « Je suis désolée d'être comme ça, c'est gênant et ridicule. » Naturellement, Guy protesta, « Allons donc, c'est votre plus grand charme, une femme craintive et deux fois femme. » M. de Bièvre regarda Antoinette. Elle semblait n'avoir rien entendu et suivait attentivement la marche d'une bête à bon Dieu qui se balançait le long d'un brin d'herbe. « Si vous voulez, » proposa la petite marquise, « nous pouvons nous remettre en route, je suis reposée. Ah, par exemple, monsieur d'Étiolle, si vous ne m'aidez pas à me relever, je reste là, moi. » Le comte s'inclina vers elle, tendant ses deux mains auxquelles elle s'accrocha, se relevant avec une lenteur infinie. La longueur du mouvement fut si marquée, le mouvement si apparemment pénible, que M. de Bièvre, regardant la jeune femme, murmura d'un ton chantant et nasillard « Un petit sou pour la pauvre paralytique, s'il vous plaît !» Antoinette éclata d'un bon rire jeune et frais, et ce rire irrita Madame de la Soleil. Elle tourna vers Jacques son joli petit museau pointu et lui dit, rouge et vexé « Vous avez toujours de l'esprit, M. de Bièvre ?» Il répondit paisiblement « Toujours, à mon âge, on ne change plus. » Pour rompre les chiens, M. de la Soleil demanda « Est-ce que vous allez demain chez les Blainville ?»« Mon mari y va, » dit Madame d'Étiolle. « Moi, je sors très peu. »« Nous aussi, nous y allons, » s'écria la petite marquise. « Ce sera assommant, probablement. Ça n'est jamais drôle chez les Blainville, mais quand Madame de Breuil est là, c'est complet. » Se tournant vivement vers Antoinette, elle ajouta « Voyons, madame, vous qui avez vu Madame de Breuil hier, comment la trouvez-vous »« Je la trouve jolie, fine. » Et infiniment distinguée, elle a surtout de la race. « De la race ?» répéta Madame de la Soleil étonnée. Et après un silence, elle reprit. « Vous savez que son nom s'écrit en un seul mot. Ça n'empêche pas. répondit la comtesse en riant. Inquiet de la voir rire, la petite marquise dit « Oui, il est impossible que vous ayez raison, d'autant plus qu'on rencontre parfois des gens très ordinaires, dont le nom s'écrit en deux mots. Et même en trois. Et même en trois, murmura Jacques, distrait. Des tuiles s'arrêta et indiquant la Moselle « Voici la vue. » Monsieur de la Soleil le rejoignit et Antoinette, restée en arrière avec Jacques, demanda « Pourquoi avez-vous été si malhonnête ?»« Moi, malhonnête ? Quand ça ?»« Dame, à l'instant, avec votre nom qui s'écrit en trois mots. Sapristi, c'est ma foi vrai. Eh bien, je n'y ai pas pensé du tout. D'ailleurs, si vous croyez qu'elle a compris, elle ne comprend rien de rien. »« Non, mais son mari comprend, lui. »« Peut-être. Que voulez-vous ? Je suis désolé, mais je n'y peux rien. »« Descendons-nous jusqu'à la rivière ?» proposa Guy. « Je veux bien, » répondit Madame de la Soleil, et s'accrochant au bras du comte, presque soulevé de terre, elle ajouta « Il me semble qu'en ce moment j'irai au bout du parc. » Il eût été plus gracieux encore de dire « au bout du monde, et pendant que vous y étiez, ça ne vous coûtait pas plus, » observa Monsieur de Bièvre. Antoinette indiqua les deux canots attachés à la berge. « Voulez-vous faire une promenade en bateau ?» Comme la jeune femme hésitait, Jacques s'écria « C'est pourtant une jolie occasion d'avoir peur. » Quittant le bras de la petite marquise, M. d'Étiol détachait déjà les bateaux. Il entra dans le plus grand, tandis que sa femme s'installait dans l'autre. Puis il tendit la main à Madame de la Soleil, qui s'avançant en recommençant ses petits cris, suivie de son mari toujours sérieux et correct. « Alors, vous m'emmenez ?» dit Jacques en s'asseyant derrière Antoinette. « Vous ne voulez pas que je rame ?»« Non, ça m'amuse. »« Alors, nageons !» Il voyait devant lui la souple taille de la jeune femme, qui ondulait, se penchant et se renversant, et en la regardant, il pensait « Quels singuliers êtres que ces petites modernes ! En voici une qui adore son mari, qui ne vit qu'en lui, pour laquelle tout ce qui est autre chose que lui n'existe pas. Eh bien, elle le laisse aller seul dans un monde où toutes les femmes se l'arrachent, se le disputent sans vergogne. Elle le laisse flirter à outrance avec toutes les lassolets qu'elle rencontre, et Dieu sait s'il en rencontre, sans parler de la vraie, qui à elle seule vaut la douzaine. Et elle n'a pas l'air de se douter de ce qui arrivera, si ça n'est pas déjà arrivé. Enfin, ça prouve qu'à ce point de vue, les plus intelligentes valent les plus bêtes. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. » Regardant l'autre bateau qui les suivait, il demanda, criant pour se faire entendre, « Madame de la Soleil a-t-elle déjà peur ?» La Soleil fit signe que non, il reprit. « Pas encore. Allons, ça va venir. » « Mais, » dit Antoinette, se tournant un peu vers lui, « vous devez horriblement l'agacer, Madame de la Soleil. » « Je l'espère parbleu bien. » « Vous êtes méchant, vous savez. » « Pour elle, oui, c'est vrai. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle m'horripile. C'est la seule personne qui me produit cet effet-là. » « Ah, je croyais que vous aimiez encore moins Madame de Blainville. » « Oui, peut-être. Je l'aime moins, mais elle ne mérite pas. Madame de Blainville est une femme mauvaise, envieuse, venimeuse, mais jolie, fine, intelligente et qui peut, quand elle le veut, être charmante. Elle a une grande séduction. La meilleure preuve que cette séduction est réelle, c'est qu'elle mène comme un troupeau famille, amis et surtout ce pauvre Blainville qui a été si gai et si plein d'esprit lui aussi et qui est aujourd'hui totalement annihilé. C'est singulier. « dit Madame d'Étiol. Jamais de personne je n'ai entendu un mot agréable pour Madame de Blainville, sauf quand il s'agit de son physique et de son intelligence, bien entendu. Et le plus drôle, c'est que quand il parle d'elle, les hommes et les femmes sont d'accord. » Un cri perçant interrompit Antoinette, et Monsieur de Bièvre dit tranquillement « Ah, Madame de Soleil commence à avoir peur. Comment se fait-il qu'elle ait attendu si longtemps ? Tiens, est-ce qu'elle serait sérieuse, sa peur ? Les voilà qui abordent. » Faisant un porte-voix de ses mains, il cria « Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ?» La Soleil répondit « Rien du tout, mais ma femme prétend que je fais pencher le bateau, alors j'aime autant descendre. »« Ah bon ? Très bien, » fit Jacques, qui ajouta entre ses dents « Vraiment, il est quelquefois plus mari que nature, ce bon Gaston. » Et voyant que la comtesse riait « N'est-ce pas ? On n'est pas bête comme ça. » Sans se retourner, elle répondit doucement « Bête ou philosophe ? Monsieur de Bièvre sauta en l'air. Philosophe, Gaston ? Ah, Dieu, que vous le connaissez mal ! Mais il adore sa femme, le malheureux garçon, pour cette jolie petite oie, qui le débarque en ce moment avec tant de désinvolture Il sacrifierait tout, même ses enfants, je crois. Il est profondément et furieusement jaloux, mais de cette jalousie rentrée, correcte, bien élevée, qui s'est restée mondaine quand même. Ça ne met personne dedans, mais enfin... Oh, croyez-vous que ça ne met personne dedans? Personne, pas même sa femme. Car si, comme je vous le disais tout à l'heure, cette petite femme est une oie, elle est néanmoins d'une finesse très subtile quand son intérêt est en jeu. Prenez garde, ne parlez pas si haut, dit la comtesse à demi-voix. Monsieur de la Soleil nous a rattrapés. S'adressant à la Soleil qui allongeait ses grandes jambes, courant presque le long de la berge, elle proposa « Voulez-vous monter avec nous ?»« Non, merci. Je ne veux pas charger votre bateau. Il n'aurait qu'à pencher aussi. » S'arrêtant brusquement et regardant avec inquiétude derrière lui, il murmura « Allons, voilà que ça recommence. Mais c'est elle qui va faire chavirer cette fois. » Madame d'Étiol et Monsieur de Bièvre se retournèrent et virent la petite La Soleil courbée en avant, l'air effaré, cherchant à enjamber le banc qui la séparait du comte. La Soleil cria « Asseyez-vous, mais asseyez-vous donc !»« Asseyez-vous, madame !» supplia d'Étiol, qui voyait pencher le bateau. Mais la petite marquise semblait ne rien entendre. Elle était parvenue à rejoindre Guy, et elle s'attachait craintivement à son bras, répétant d'une voix affolée et plaintive « J'ai peur, j'ai peur !»« Est-ce profond ?» demanda la Soleil, très inquiet. « 2 mètres, à peu près, » répondit Monsieur de Bièvre. Alors le marquis cria « Guy, il vaut mieux aborder. Abordez, si vous pouvez. » Cette proposition parut calmer soudain l'angoisse de la jeune femme, et ce fut d'une voix redevenue très calme qu'elle répondit à son mari. « Mais non, ici la berge est très mauvaise. Il vaut mieux retourner au point de départ, beaucoup mieux. » Les petits gloussements avaient cessé. Elle se décida à lâcher le bras de M. d'Étiol. Redevenu libre, il se mit à ramer, demandant « Alors, nous retournons ?»« Oui !» cria la Soleil, qui semblait mécontent. M. de Bièvre le montra à Antoinette et murmura, à moitié blagueur, à moitié compatissant « Ce pauvre Gaston !»« Le croyez-vous, dites, qu'il est moralement trompé ? Et voyez-vous qu'il n'est pas si philosophe que vous le pensiez ? Moi, si j'avais une femme comme la sienne, je lui donnerais le fouet. » « Elle se rend ridicule. » Madame d'Étiol se retourna à demi pour voir la petite de la Soleil qui, assise maintenant en face du comte, lui parlait, gentiment minaudière, la tête penchée et l'œil en coulisse, et dit en souriant « C'est surtout les autres qu'elle rend ridicule. » Monsieur de Bièvre trouva qu'en effet, Guy, le teint allumé, le sourire ravi, se rengorgeait bêtement, fier d'être distingué par la petite marquise. Et il n'y avait, lui semblait-il, pas de quoi être fier, car elle avait plus ou moins distingué tout le monde. En débarquant, Madame de la Soleil refusa la main que son mari lui tendait pour remonter le talus de la berge. « Non, pas vous, je ne veux pas, vous êtes trop maladroit. » Monsieur d'Étiol eût bien voulu s'élancer, mais il n'osait pas laisser le bateau aller à la dérive. Jacques vint à son secours. « Jette-moi la chaîne, nous allons, ta femme et moi, rattacher les bateaux. » Et s'adressant à la petite marquise, il ajouta « Si je ne m'offre pas pour vous hisser, c'est d'abord que je suis encore plus maladroit que Gaston, ensuite que vous m'enverriez vraisemblablement promener comme lui. » Puis, remontant le talus avec Antoinette, sans avoir même l'idée de lui offrir la main, il lui dit en suivant de l'œil Madame de la Soleil, que Guy attirait de toutes ses forces par les poignets, tandis qu'elle se raidissait les genoux en dedans et les jambes écartées, laissant dans l'herbe un sillon creusé par ses talons. « Je crois que cette petite femme, grosse comme rien, à force de représenter les infirmes pour se faire agréablement tripoter, a fini par devenir chose de plomb pour tout de bon, hein ? En joue lassée de la femme frêle, et avoir Guy la hissée, on jurerait qu'elle pèse 200. » Monsieur de la Soleil, laissant sa femme marcher devant avec le comte, attendait dans l'allée. Au bout d'un instant, Jacques rejoignit Guy. Ça l'amusait de déranger le flirt. Tout de suite, la petite La Soleil lui demanda « Pourquoi donc, tout à l'heure, avez-vous dit que si vous m'offriez la main, je vous enverrais promener ?»« Mais parce que j'en étais sûr. Pourquoi ça ?»« Vous connaissez, vous, qui avez conduit d'innombrables cotillons, la figure où on tire le coussin, où viennent s'agenouiller les danseurs, jusqu'à l'arrivée de celui auquel le petit tour de bal s'est réservé ?»« Oui, mais... »« Eh bien... » Comme j'étais sûr que vous me retireriez le coussin, je ne me suis pas présenté. Et à part lui, il se dit, voyant le rire faux de la jeune femme et l'air modestement satisfait du comte. Elle est vexée et lui, il est flatté, l'imbécile. Le soir, la douairière, curieuse de connaître l'impression produite sur sa belle-fille par la petite marquise, demanda « Eh bien, toi non, comment la trouvez-vous, la petite voisine ?»« Très gentille et très jolie. »« Et son esprit ?» s'écria M. de Bièvre. « Dites à Guy ce que vous pensez de son esprit. »« Son esprit ?» balbutia la comtesse embarrassée. « Mais je l'ai si peu vu, je... » D'Étiole insista. « Enfin, selon vous, quel genre de femme est-ce intellectuellement ?» Antoinette répondit. « Intellectuellement, c'est la femme qui va tous les jours au concours hippique.